ça commence, ça commence. A ti soupi ke fò nou leve, pou nou danse wo. E sa ti koumanse, fò pa nou lese pase. Mèm sou fatigue, mè ou pe pa, refize sa wo. Mezika ou le, fò pa nou fè y arete. Fini pou mwen, mwen tou fini pou mwen. Fine pi mwen wo, fini pou mwen. Salaka explose. Mizik la ka sonne, tete a mwen ka toune, pa mèm save ki la ye. Yeah.